Bukai Min Kilarikum Sa Mon cœur bat la chamade. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Des grâces en pagaille. L'espoir quoi qu'il arrive. Tu as rejoint le père et lui a tout donné. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on espère? Suivre le même trajet. Génération, tu seras fier de nous, comme toi, Wojtyla.